à vous les prolétaires, pour notre affaire générale, brisez les chaînes d'Auxerre et l'esclavage fatal. Courage sur les barricades, repoussons la mort avec des dents, s'il nous faut mourir camarades, bourrons le drapeau au camarades, pour vous.